Le passé qui t'exacte, ça se ressent à ton contact. Mais où est donc passé ton tact? Je crois que je l'ai perdu. Mec, t'es pris de noirceur, submergé par la rancœur. Explique-moi d'où vient cette douleur. Je crois bien que j'ai jamais su. Les années filent et tu stagnes. Pourtant, tu dis que t'as la hargne. Crois-tu que c'est comme ça qu'on gagne? Écoute, là c'est vite vu. Je cherche pas la médaille ou la coupe. Et si tu veux le test, il faut pas que tu te loupes. Mon nom c'est Psycho, faut pas que tu t'y trompes. C'est bon, t'es calmé, je peux remplacer une pour BUZ et FR. Mes compères du sang qui t'apporte une 26 200 raisons d'écouter tout. Range ton tutu et ton amour mielleux façon toutou. Ton fabuleux destin de croiser notre chemin. Ce soir tu te coucheras moins con, bah, ça c'est certain. Rééduquer tout le plateau du rap français, j'ai pas que ça à faire. Et puis désolé mais je fais pas dans l'humanitaire. T'as qu'à t'acheter une conscience. Quand tu déblatères tes conneries aux gosses, crains pour ceux qu'ils manigancent. T'en as envoyé combien au casse-pipe, hein? Au volant de la délinquance, d'une pince t'as le profil type. Jeune, une règle d'or à se rappeler. Ce que ce sera pas comme un handicapé. Le noyau dur de la section dure. Même si je sais au fond que j'ai perdu mes illusions. Le passé qui t'exacte, ça se ressent à ton contact. Mais où est donc passé ton tact? Je crois que je l'ai perdu. Mec, t'es pris de noirceur, submergé par la rancœur. Explique-moi d'où vient cette douleur. Je crois bien que j'ai jamais su. Les années filent et tu stagnes. Pourtant tu dis que t'as la hargne. Crois-tu que c'est comme ça qu'on gagne? Écoute, là c'est vite vu. Je cherche pas la médaille ou la coupe. Et si tu veux le test, il faut pas que tu te loupes. Mon nom c'est Psycho, faut pas que tu t'y trompes. C'est bon, t'es calmé. Ils ont perdu le fil conducteur, mais je les mettrai au courant. Et je sais d'avance que c'est me battre contre des moulins avant. Fils, si tu vis dans une cité HLM, sache que c'est rarement ton voisin qui politiquement tient les rênes. Entre prolos, faut serrer les coudes, la vie dans des coudres. Ne se noie pas avec de l'alcool si tu bats dans un dé à coudre. Faut se donner les moyens ou bien les voler, car tous veulent ta perte pendant qu'ils feignent de t'encourager. De si c'est rien, c'est vite vu. Et si la France est le corps de Marianne Baissy, c'est trop du cul. 30 ans que j'y vis, y'en a trop qui me prennent pour un intrus. Et une fois entendu ce que j'envoie, me demande un instru. Oh, j'suis pas le secours catholique, spécialisé dans le rap chaotique. Mon flow te fout la colique. Et si tu pensais que t'y mettre aussi, c'était logique. Le mutisme te va mieux, allez gicle, toi et ta clique. Le passé qui t'exacte, ça se ressent à ton contact. Mais où est donc passé ton tact? Je crois que je l'ai perdu. Mec, t'es pris de noirceur, submergé par la rancœur. Explique-moi d'où vient cette douleur. Je crois bien que j'ai jamais su. Les années filent et tu stagnes. Pourtant tu dis que t'as la hargne. Crois-tu que c'est comme ça qu'on gagne? Écoute, là c'est vite vu. Je cherche pas la médaille ou la coupe. Et si tu veux le test, il faut pas que tu te loupes. Mon nom c'est Psycho, faut pas que tu t'y trompes.